Julie Charles mourut en décembre 1818. Peu avant qu'elle ne meure, Lamartine envoya à Julie, appelée ici Elvire, ce poème intitulé « L'immortalité ». Le soleil de nos jours pâlit dès son aurore. Sur nos fronts languissants, à peine il jette encore quelques rayons tremblants qui combattent la nuit. L'ombre croît, le jour meurt, tout s'efface et tout fuit. Que notre à cet aspect frissonne et s'attendrisse, qu'il recule en tremblant des bords du précipice, qu'il ne puisse de loin entendre sans frémir le triste chant des morts tout prêt à retentir, les soupirs étouffés d'une amante ou d'un frère suspendu sur les bords de son lit funéraire, ou les reins gémissants dont les sons éperdus annoncent aux mortels qu'un malheureux n'est plus. Je te salue, ô mort. Libérateur céleste, tu ne m'apparais point sous cet aspect funeste que t'a prêté longtemps l'épouvante ou l'erreur. Ton bras n'est point armé d'un glaive destructeur, ton front n'est point cruel, ton œil n'est point perfide. Au secours des douleurs, un Dieu clément te guide. Tu n'anéantis pas, tu délivres. Ta main, céleste messager, porte un flambeau divin. Quand mon œil fatigué se ferme à la lumière, tu viens d'un jour plus pur inonder ma paupière. Et l'espoir, près de toi, rêvant sur un tombeau, appuyé sur la foi, m'ouvre un monde plus beau. Viens donc, viens détacher mes chaînes corporelles. Viens, ouvre ma prison. Viens, prête-moi tes ailes. Que tardes-tu? Paraît que je m'élance enfin vers cet être inconnu, mon principe et ma fin. Qui m'en a détaché? Qui suis-je? Et que dois-je être? Je meurs, et ne sais pas ce que c'est que de naître. Toi qu'en vain j'interroge, esprit, hôte inconnu, avant de m'animer, quel ciel habitais-tu? Quel pouvoir t'a jeté sur ce globe fragile? Quelle main t'enferma dans ta prison d'argile? Par quels nœuds étonnants, par quel secret rapport, le corps tient-il à toi, comme tu tiens au corps? Quel jour séparera l'âme de la matière? Pour quel nouveau palais quitteras-tu la terre? As-tu tout oublié? Par-delà le tombeau, vas-tu renaître encore dans un oubli nouveau? Vas-tu recommencer une semblable vie? Ou, dans le sein de Dieu, ta source et ta patrie, affranchie pour jamais de tes liens mortels, vas-tu jouir enfin de tes droits éternels? Oui, tel est mon espoir, ô moitié de ma vie. C'est par lui que déjà mon âme raffermie a pu voir sans effroi, sur tes traits enchanteurs, se faner du printemps les brillantes couleurs. C'est par lui que, percé du trait qui me déchire, jeune encore, en mourant, vous me verrez sourire, et que des pleurs de joie, à nos derniers adieux, à ton dernier regard, brilleront dans mes yeux. Vain espoir, s'écriera le troupeau d'Épicure. Que notre vous réponde, ô sages de la terre. Laissez-moi mon erreur. J'aime, il faut que j'espère. Notre faible raison se trouble et se confond. Oui, la raison se tait, mais l'instinct vous répond. Pour moi, quand je verrai dans les célestes plaines les astres s'écartant de la route certaine, dans les champs de l'éther, l'un par l'autre heurtés, parcourir au hasard les cieux épouvantés, quand j'entendrai gémir et se briser la terre, quand je verrai son globe errant et solitaire, flottant loin des soleils, pleurant l'ombre détruit, se perdre dans les champs de l'éternelle nuit, et quand, dernier témoin de ces scènes funèbres, entouré du chaos, de la mort, des ténèbres, seul, je serai debout, seul, malgré mon effroi, être infaillible et bon, j'espérerai en toi, et certain du retour de l'éternelle aurore, sur les mondes détruits, je t'attendrai encore.